بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة الفضلاء في القراءة والتعليق على كتاب الزكاة من عمدة الأحكام من continue au cher frère بارك الله فيكم la lecture et le commentaire du chapitre le chapitre de la zakat tiré de عمدة الأحكام. On était arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, wa an Abi Hurairah radiyallahu an, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal, laysa ala al-muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa, wa fi lafzin illa zakat al-fitri fi al-raqiq. Et donc selon Abi Hurairah radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucune aumône, ce qui est voulu ici, aucune aumône obligatoire faite aux musulmans concernant son esclave ni son cheval. Et dans une narration, sauf la zakat al-fitr concernant l'esclave. Barakallahu fikoum les frères, ici, on a déjà vu précédemment que l'esclavage qui a été connu ici en Europe, où l'esclavage qui a été mené par les Occidentaux n'a rien à voir avec l'esclavage qu'on connaît ou l'esclavage qui a été connu en Islam. Et il y a énormément d'éléments qui montrent la différence entre les deux, à tel point que, je le dis et je le répète, le lien qu'il y a entre les deux, c'est le mot esclavage, tout simplement. C'est le mot en lui-même. Mais sinon, si on rentre dans les détails, on voit énormément de différences. Exemple, j'ai cité à certains frères, chez nous aux Antilles, la durée de vie d'un esclave était entre 5 et 6 ans. La durée de vie d'un esclave, après être arrivé aux Antilles, était entre 5 et 6 ans. Pourquoi ? À cause donc de la dureté du travail, la difficulté, les mauvaises conditions et... aussi le fait que les esclaves se faisaient frapper. En islam, tout cela est interdit. En islam, il est interdit de frapper, il est interdit de lui confier des tâches qui sont trop difficiles, etc. Et donc, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément d'exemples qui montrent la différence entre les deux, mais ce n'est pas le sujet du cours. Et donc ici, les savants nous citent que cela nous montre que l'être humain, il n'y a pas de zakat qui lui est imposé concernant ce qu'il possède et dont il en a besoin. Et le hadith d'après, l'auteur qui nous dit wa an Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'din jubarun wa fi rikaz al-khumus. Et donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: les bestiaux, donc, n'ont pas d'impact. Ce qui est voulu par là, c'est les bestiaux qui vont se blesser mutuellement ou se tuer mutuellement, ou les dommages qui sont liés aux bestiaux n'ont pas d'impact, ne sont pas pris en compte. Les dommages liés au puits ne sont pas pris en compte. Et il y a donc le tiers, c'est-à-dire le tiers, la zakat ici. Il y a, excusez-moi, pas le tiers, le cinquième, concernant les trésors archéologiques. Et tout cela, on va l'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Fa'ikhtalafat al-ulama fi mas'alat al-ajma. Et donc les savants ont divergé concernant les bestiaux. Est-ce que la bête, al-bahima, allati tutlifu shay'an, hal sahibu hadhihi al-bahima yadman aw la? La bête qui va détruire quelque chose, ou la bête qui va tomber sur une autre bête et la tuer ou la blesser, est-ce que le propriétaire de la bête est responsable ou pas? Est-ce qu'il doit payer ou pas? Ça, c'est un sujet de divergence entre les ulama. Walakin nulakhisu hadhihi al-mas'ala sahibu hadhihi al-mas'ala لا شيء عليه صاحب هذه البهيمة عفوا لا شيء عليه إن لم يكن سببا في ذلك. Le propriétaire de cette bête, il ne lui incombe rien si il n'est pas la cause de cela. C'est-à-dire que si le propriétaire, ce n'est pas lui qui a été la cause, ce n'est pas lui qui a fait que la bête a fait ce qu'elle a fait, alors il n'est pas responsable. On ne peut pas l'imposer de payer ou de remplacer. On ne peut pas lui imposer de payer ou de remplacer. Par contre, maintenant, si c'est de sa faute, si c'est lui qui a laissé sa bête à un endroit qui ne convient pas, par exemple, et qu'ensuite cela a causé des dégâts, il est responsable. Parce que là, c'est de sa faute. Wafil bir. Et concernant le puits, fait el ma'ana, anna el bir, law saqatat ala hafiriha, ou law saqat shakhsun fiha, fala shay'a ala sahibiha. Et donc concernant le puits, si donc le puits s'effondre sur celui qui est en train de le creuser, et quelqu'un qui est en train de creuser un puits, et le puits va s'effondrer sur cette personne. Ou alors une personne va tomber dans un puits. Le propriétaire du puits n'est pas responsable. Le propriétaire du puits n'est pas responsable. On ne peut pas lui demander, lui imposer une sanction par rapport à cela. Qu'en est-il, ulama? Illa in kana sababan fi dhalik. Les savants nous disent, sauf s'il est la cause dans cela. Exemple, il place un puits, il fait un puits et il ne met aucun signe, rien du tout. Le puits, il est sur le passage, des gens passent là et il n'y a aucun signe qui montre que, attention, ici il y a un puits. Certains savants ici, ils nous disent, na'am, ici il est responsable. Ici il est responsable. Il aura donc une sanction. D'autres savants disent, non. Lima li annahu bana hadhihi al-bi'r min ajli salih an-nas arada al-ihsan. Certains savants disent non, il n'est pas responsable même s'il a mis ce puits au milieu du chemin et qu'il n'a pas mis de signe, de panneau qui montre qu'il y a un puits, il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que en fait cette personne là, il voulait le bien, il voulait une facilité pour les gens. Il voulait donc être bienfaisant envers les gens, que les gens aient de l'eau. On ne va pas le sanctionner. Et bien entendu, la vie le plus juste, c'est que même s'il a une bonne intention, il faut quand même qu'il soit responsable de ce qu'il fait. Et donc, vu qu'il a creusé un puits et qu'il y a un trou dans la terre qui peut être dangereux, à ce moment-là, il faut faire en sorte que les gens ne soient pas mis en danger, particulièrement si ce puits est sur un lieu de passage, un lieu dans lequel les gens passent. Ensuite, concernant les pierres précieuses, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'elles n'ont pas d'impact. C'est-à-dire, anna an-nas hinama yahfirun yabhathuna an hadhihi al-umur al-thamina qad yaskutu shay'un minha alayhim. فَصَاحِبُهَا لَيْسَ بِمَسْئُولِ أَوْ صَاحِبُهَا لَا يَضْمَنِ. Et donc les savants nous disent que, et donc ces pierres ou ces choses de valeur, les gens vont creuser pour les chercher. Et il se peut qu'en creusant, il y ait certaines pierres qui tombent sur eux. Ils travaillent, il se peut qu'en creusant, certaines pierres tombent sur eux. Alors à ce moment-là, le propriétaire, il n'est pas responsable. Le propriétaire, on ne peut pas lui imposer de payer ou de garantir quoi que ce soit. Sauf si c'est de sa faute. Sauf s'il est la cause. C'est-à-dire si c'est un accident et qu'ils ont pris leur sécurité, ils ont fait en sorte donc de prendre des moyens, des mesures de sécurité, mais que ça arrive, un accident est arrivé. Il n'est pas responsable. Ce n'est pas de sa faute. Par contre, si il a été négligent cela, alors oui, il aura une sanction. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam wa fi rikaz il khumus. Et concernant rikaz, concernant les trésors archéologiques, donc le cinquième est imposable. Le cinquième est imposable. Wa rikaz huwa ma rukiza min al jahiliya. Al-rikaz, donc ce sont des trésors. Ce qui est voulu par là, barakallahu fikum, ce ne sont pas n'importe quel trésor. mais ce sont des trésors qui viennent de la période anti-islamique. Ce ne sont pas des trésors qui viennent donc de l'islam. Et cela, on le reconnaît par des signes. Par exemple, Esma el-Mulouk, le nom des rois. On peut trouver le nom des rois sur ces trésors. Ou alors, on peut trouver les monnaies, etc. etc. Différents signes. Et on peut trouver les noms de leurs idoles, les noms de leurs divinités qu'on peut trouver sur ces trésors. À ce moment-là, cela nous permet de savoir que ceci est un trésor anti-islamique. Pourquoi ce sujet est important, le trésor anti-islamique ? Une personne peut dire n'importe quel trésor. J'ai trouvé un trésor dans mon jardin, j'ai trouvé un trésor chez moi. C'est n'importe quel trésor. On va te dire non. Non. In lam yakun min ahlil jahiliya, fahuwa luqata. Si ce trésor ne vient pas donc de la période anti-islamique, alors ceci on l'appelle luqata. Luqata dans la, donc en islam, c'est ce que tu vas trouver qui a de la valeur et qui ne t'appartient pas. À ce moment-là, tu dois le garder chez toi et faire l'appel pendant un an. Faire l'appel, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire prévenir les gens que tu as trouvé quelque chose qui ne t'appartient pas. Et donc, celui qui veut venir le récupérer, qu'il vienne, etc., etc. Et la personne décrit, oui, j'ai perdu telle chose, comme ça, comme ça. La personne décrit la chose. Si effectivement, c'est ce qu'elle décrit, c'est le trésor que tu possèdes, à ce moment-là, tu lui remets son trésor. Et donc, il y a une différence entre donc, le trésor qu'on va trouver qui appartient à la période anti-islamique et le trésor qu'on va trouver qui n'est pas comme tel. Et donc, il faut faire attention à cela. وأنتم تلاحظون أننا في الزكاة لم نعتد على هذا المبلغ الخمس. Vous remarquez que dans la zakat, on n'a pas eu l'habitude de cette somme. Le cinquième, c'est beaucoup. Un cinquième, c'est beaucoup. Et donc, pourquoi est-ce que cette somme, elle est si importante? Pourquoi est-ce que cette zakat, elle est si importante? لأن صاحب هذا المال حصل عليه دون مشقة وتعب. Car le propriétaire de ce bien, le propriétaire de ce trésor, il l'a eu sans difficulté. Il se promenait, il a commencé à faire peut-être un château de sable avec ses enfants. Il jouait, on fait un château de sable et il tombe sur un trésor. Il n'a pas travaillé, il n'a pas eu de la sueur, faire du commerce ou autre, etc. Non, là, il était en train de s'amuser ou autre. Et donc ici, les savants, ils nous disent que c'est un bien qu'il a eu sans difficulté. Et donc, à partir de là, la somme imposable sera plus importante. Elle sera plus importante. Wa fi hadha al-hadith wujub az-zakat fi ma wajadahu al-muslim min dafin al-jahiliyah. Min dafin al-jahiliyah, sawa'an kana fi baladin muslim aw baladin ghayr muslim. Il y a dans ce hadith donc le fait qu'il est obligatoire de s'acquitter de la zakat concernant ce que le musulman va trouver des objets, donc parmi les objets cachés et de valeur de la période anti-islamique. Peu importe que ce trésor ait été trouvé dans un pays musulman ou dans un pays non musulman. C'est-à-dire que même toi qui habites en France, ce sujet te concerne. Ce sujet te concerne, tu trouves un trésor chez toi. C'est déjà arrivé, des personnes qui trouvent des trésors chez eux, hein, des pièces de valeur, etc. C'est déjà arrivé. Et donc, toi, si ça t'arrive, tu rentres dans ce sujet qu'on voit aujourd'hui et qu'on va essayer de détailler, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, ma huwa an-nisab fi ar-rikaz? Quel est donc an-nisab? Quelle est donc la valeur imposable concernant le trésor qu'on trouve? Déjà, est-ce qu'on se rappelle de la valeur imposable concernant l'or et l'argent? Hein? Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait cours. Bi'idhnillah, le prochain cours, je vais vous laisser réviser. Le prochain cours, on va poser plus de questions, Inch'Allah. Et donc, quelle est la valeur imposable concernant le trésor? C'est-à-dire, à partir de quelle valeur il t'est obligatoire de donner une zakat? C'est-à-dire, tu as trouvé un trésor. Mais ton trésor que tu as trouvé, en réalité, il vaut 150 euros. Il ne vaut pas grand-chose. Est-ce que ici, tu peux dire non, il ne m'est pas imposable de donner quoi que ce soit parce que c'est un petit trésor, il ne vaut pas grand-chose. On va te dire non. Laysa fihi nisab. Il n'y a pas, donc, il n'y a pas de limite imposable, de valeur imposable concernant le, donc concernant le trésor que tu trouves. Peu importe la valeur du trésor que tu trouves, tu es imposable. Peu importe la valeur du trésor que tu trouves, tu es imposable. Maintenant, j'ai une question, barakallahu fikum. On a parlé des pierres précieuses et on a parlé des trésors anti-islamiques. Une personne fouille, elle est en train de faire, encore une fois, un château de sable avec ses enfants ou alors un château de terre ou autre. Et cette personne tombe sur des pierres précieuses. Elle rentre ici dans quel sujet ? Les trésors ? Ou la zakat ? Ou quoi ? Elle rentre ici dans quel sujet, cette personne ? Il n'y a pas de réponse ? On n'a pas l'habitude de trouver des trésors et des pierres précieuses. Alhamdoulilah. Mon frère, il dit trésor. Et donc, est-ce que ça rentre dans le trésor ? Non, ça ne rentre pas dans le trésor. Ça ne rentre pas dans le trésor. Pourquoi ? Al-ulama farraqu baynahuma. Bel, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam farraqa baynahuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, dans ce même hadith, il montre qu'il y a une différence entre les deux. Il nous dit donc concernant les bestiaux, ceci. Concernant le puits, cela. Concernant les pierres précieuses. Et après cela, il nous dit, et le trésor. Et donc, il y a une différence entre les deux. Le trésor anti-islamique, ce qui est voulu par Riquez, on a dit un trésor anti-islamique. Les savants, ils nous disent la différence entre les deux. C'est que le trésor, c'est quelqu'un qui l'a enfoui sous terre. C'est quelqu'un qui l'a mis sous terre. La personne, elle l'a enterré, ce trésor. Tandis que la pierre précieuse, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créée sous terre. Subhanallah. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens, ils vont chercher ces pierres, etc., etc., avec des détecteurs de métaux et le reste. Et donc, barakallahu fikoum, il faut faire la différence entre les deux. Maintenant, tu as trouvé des pierres précieuses. Là, ça sera un autre sujet. Ça sera un autre sujet, donc, concernant la zakat. Ça sera un autre sujet, inshallah ta'ala, qu'on verra par la suite. Tayyib. Law anna ash-shakhs wajada rikaz min dhahab. Si une personne trouve un trésor archéologique en or. Ici, on a notre frère Omar, par exemple, qui trouve un trésor en or. Celui-là, il vaut 1 million d'euros, par exemple. Est-ce que ça sera la zakat de l'or qui lui sera imposable afin de partager avec ses frères ? Ou alors, est-ce que ça sera la zakat du trésor qui est beaucoup plus importante afin de partager encore plus avec ses frères ? C'est quelle zakat ? Omar est du trésor. Le trésor, mashallah. Omar, il est généreux, mashallah. Et donc, les savants, ils nous disent, Naam, fahuwa rikaz, peu importe si c'est de l'or ou de l'argent, ça rentre dans le trésor, li'umum il hadith, car le hadith, il est général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit concernant les trésors archéologiques, les trésors anti-islamiques, nous devons donner le cinquième. Tayyib wa li alam barakallahu fikum ayyul ikhwa annahu la yushtaratu fi rikaz murur al hawl. Il n'est pas mis en condition concernant le trésor, il n'est pas mis en condition le fait que un an passe. C'est-à-dire à partir du moment où tu as trouvé le trésor, il t'incombe de t'acquitter de cette zakat. Il t'incombe de t'acquitter de cette zakat à partir du moment où tu as trouvé le trésor. Wa hadhihi al-mas'ala dhakara al-Barawi wa an-Nawawi wa kadhalika Ibn Hajar fi al-Fath al-Ijma' 'alayha. Al-Barawi et Nawawi ainsi qu'Ibn Hajar dans Fath al-Bari, ils ont cité l'unanimité sur cela, l'unanimité des savants sur le fait que lorsque tu trouves le trésor, il t'incombe de donner une zakat sans attendre un an. Le hadith d'après, bon, par contre, les frères barakallahu fikoum, ce n'est pas parce qu'on étudie ce genre de sujet que ça veut dire qu'après vous allez sortir de la mosquée en regardant par terre, ah ça c'est un endroit où je pourrais fouiller, ah c'est un endroit, alhamdoulilah. on se concentre, barakallahu fikoum. Si Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde un trésor, il te l'accorde, alhamdulillah, profite bi'idhnillah. Mais par contre, ne va pas te fatiguer, tes efforts, ah, j'ai entendu dans le cours que, etc, etc, etc. Jazakallah khair, alhamdulillah, on a déjà suffisamment de sujets qui nous préoccupent et qui nous éloignent du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد ابن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنه أبيه. Et donc selon Abi Hurayra رضي الله عنه, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Omar radiallahu an pour rechercher les aumônes, ce qui est voulu ici les aumônes obligatoires, pour récupérer les aumônes. Et donc Omar qui devait aller chez les gens pour récupérer les aumônes. Et donc il fut dit que Ibn Jamil, Khalid ibn al-Walid, ainsi que l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont abstenus, ils ont refusé. Ils ont refusé donc de donner cette zakat à Omar. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Ibn Jamil, la seule chose donc qu'il rejette est le fait qu'il était riche et que c'est le fait qu'il était pauvre et que Allah l'ait enrichi. La seule chose qu'il rejette, qu'il refuse en fait, il refuse de donner la zakat, et bien en fait ce qu'il refuse c'est qu'il était pauvre et qu'Allah l'a enrichi. Et concernant Khalid, alors certes vous faites injustice à Khalid. Il a laissé, ce qui est voulu ici, il a laissé en aumône ses armures ainsi que ses chevaux dans le sentier d'Allah. Et en ce qui concerne l'Abbas, alors elles sont pour moi. Son aumône est pour moi, ainsi que les semblables. Barakallahu fikoum les frères. Il y a dans ce hadith plusieurs points abordés. Premièrement, le fait que Ibn Jamil, il a refusé de donner la zakat. Cheikh al-Najmi rahimahullah, il dit ici dans l'explication de ce hadith, il dit que anna ma'na al-kalam annahu lahu shay annahu ma lahu shay'un yanqimuhu Ibn Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah wa hadhihi ni'matun haqquha an tushkar idhan فلا شيء ينقمه ابن جميل ولكن المنع كان يدل على أنه كان منافقا ولكن يقال إنه تاب وحسنت توبته. Et donc ici, Cheikh Najmi rahimahullah, il nous dit ce qui est voulu par cette parole, c'est que Ibn Jamil n'a aucun argument en fait. Il n'a aucun argument à avancer dans le fait de refuser parce que il était pauvre et Allah l'a enrichi. Et ceci est un bienfait qu'Allah l'a accordé. Et ce bienfait, le fait qu'Allah enrichisse le serviteur, ce bienfait mérite que tu remercies Allah. Et la zakat fait partie du remerciement. Et donc, Ibn Jamil n'a aucun argument qu'il puisse avancer. Cependant, le refus qu'il a eu montre qu'il était hypocrite. Cependant, ce qu'il a dit, c'est qu'il s'est repenti et que son repentir était sincère, son repentir était correct. Ici, j'attire votre attention, les frères barakallahu fikoum, sur le fait que dans les explications de ce hadith, ce ne sont pas tous les savants qui ont dit que le fait que Ibn Jamil ait refusé de donner la zakat, cela montre qu'il était hypocrite. Il y a plusieurs qui l'ont cité, mais ce ne sont pas tous les savants qui ont donc cité cela. Je voudrais quand même attirer votre attention sur cela. En ce qui concerne Khalid ibn al-Walid, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Il a laissé ses armures et ses chevaux dans le sentier d'Allah. Qala ba'd al-ulama ay kayfa na'khudhu minhu az-zakat wa qad tasaddaqa bi amwalihi fi sabilillah fa ma 'indahu ma yujibu az-zakat. Certains savants nous disent que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu ici, c'est-à-dire que Khalid, il a donné ses biens dans le sentier d'Allah. Il les a donnés en aumône. Comment est-ce qu'on va lui prendre la zakat alors qu'il ne les possède plus en fait? Il n'a plus de quoi donner la zakat. Donc on ne peut pas lui imposer la zakat alors qu'il n'a plus ses richesses. Et d'autres savants, ils nous disent ce qui est voulu par là, c'est « Kayfa yamtani au Khalid min ada'i faridatin » وَقَدْ تَصَدَّقَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ الْعَظِيمَةِ مُتَطَوِّعًا. Et donc, certains savants nous disent ce qui est voulu ici par cette parole du prophète, c'est en fait, comment est-ce que vous pouvez dire que Khalid refuse de donner la zakat obligatoire, alors qu'il a donné cette aumône aussi importante qui était surérogatoire? Comment est-ce qu'une personne va faire un acte surérogatoire aussi important et délaisser l'obligation? Donc vous vous trompez en fait concernant Khalid. Voilà les deux explications des savants concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, donc qui défendait Khalid ibn al-Walid. En ce qui concerne l'Abbas, alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fahiya alayya wa mithluha, elle est pour moi. Elle est pour moi ainsi que ses semblables. Qala ba'd al-ulama inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhadha az-zakata min al-Abbas musabbaqan. Wa in kana isnad hadha al-hadith bayyana al-'allama Abdullah al-Bukhari anna fihi nadaran. Et donc certains savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la zakat de al-Abbas précédemment, il l'avait prise avant son temps et il l'avait prise en avance, et donc il n'a pas à la prendre maintenant. Voilà ce qui est voulu ici, même si le cheikh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, il a montré que la chaîne de transmission de ce hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la zakat de l'Abbas en avance, il nous dit que la chaîne de transmission de ce hadith, elle a donc quelques points importants qui montrent une faiblesse. Et d'autres savants, ils disent tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tahammalahu, donc anhu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la responsabilité lui de payer la zakat pour son oncle. Tayyib, hadha al-hadith, qu'est-ce qu'on peut trouver donc comme sujet lié à la jurisprudence à la zakat dans ce hadith? فيه جواز إرسال شخص لجمع الصدقات. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis au gouverneur d'envoyer une personne qui sera responsable de rassembler les sadaqat, les aumônes. Mais attention, les savants mettent ici une condition. Il faut que cette personne connaisse le sujet. Il faut que cette personne ait du ilm, que cette personne connaisse la zakat. Et donc ça, c'est important. وكذلك في هذا الحديث جواز تحمل الإمام الزكاة عن بعض رعيته. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis à l'imam, c'est-à-dire au gouverneur, de prendre la responsabilité de la zakat obligatoire pour certaines personnes de son peuple. Il est permis au gouverneur de faire cela. استدل كذلك في هذا الحديث استدل أحمد والشافعي وأبو حنيفة بهذا الحديث à la jawazi ta'jil al-zakat qabla al-hawl. Et on a l'imam Ahmed, al-Shafi'i ainsi qu'Abu Hanifa, ils se sont basés sur ce hadith pour dire qu'il est permis donc de donner la zakat avant son heure. Il est permis de donner la zakat avant son heure, comme on a cité parmi les explications du fait que l'Abbas est refusé. Les savants disent c'est parce qu'il l'avait déjà payé en avance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik rahimahullah, lui, il voit que c'est détestable de payer la zakat en avance. Mais la vie le plus juste, inshallah, c'est la vie de al-jumhur, comme on avait vu précédemment. Taïb, les frères, maintenant je vais vous poser une question. Istadel, en espérant que vous avez bien écouté ce qu'on a vu précédemment. Istadel ba'd al-ulama bi hadha al-hadith ala wujub zakat 'urud at-tijara. Oula la la la. Certains savants, ils se sont basés sur ce hadith pour dire qu'il est obligatoire de s'acquitter de la zakat liée aux biens commerciaux. La zakat liée aux biens commerciaux. Où est-ce qu'on voit ça dans le hadith? Où voyons-nous ça dans le hadith? La zakat liée aux biens commerciaux. Donc, alors en fait, la réponse, barakallahu fikoum les frères, dans le hadith, on a vu que Khalid ibn al-Walid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Fekad zalamtum Khalidan » Certes, vous avez fait injustice à Khalid. « Fekad ihtabasa adra'ahu » Et donc certes, il a donné ses armures, ses boucliers, hein, il les a donnés dans le sentier d'Allah, ainsi que ses bestiaux, ainsi que ses chevaux. Il les a donnés dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les a donnés en aumône. Tayyib barakallahu fikoum les frères. Est-ce qu'il y a une aumône concernant l'armure, concernant les chevaux? On a déjà vu précédemment le hadith d'avant. Il n'y a pas d'aumône concernant les chevaux. Et donc, pourquoi ici on parle d'aumône? Pourquoi ici on parle de chevaux concernant les aumônes? Et pourquoi ici on parle d'armure, de bouclier concernant les aumônes? Les savants nous disent tout simplement parce que là, il n'y a pas de cheval, il n'y a pas d'aumône concernant le cheval. Il n'y a pas d'aumône concernant l'armure. Mais si c'est un bien commercial, c'est-à-dire que la personne, elle fait du commerce avec ses chevaux. Elle a des chevaux qu'elle nourrit pour les revendre. C'est un commerce. Elle a des armures qu'elle va revendre. C'est un commerce. Là, ici, cela est imposable. Et donc, c'est à partir de là que les savants, ils ont tiré l'obligation de l'aumône concernant donc les biens commerciaux. Et ça, c'est un sujet important, les frères, barakallahu fikoum. Franchement, et je trouve qu'il est peu abordé et peu développé. Si on comprend bien, alors Khalid radiallahu anhu, il était dans la vente des chevaux et des armures. Selon cette explication, parce qu'on a dit qu'il y a deux explications concernant Khalid. La première explication, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Comment est-ce que vous pouvez dire que Khalid ne donne pas la zakat obligatoire alors qu'il a donné une zakat aussi importante, une zakat surérogatoire ?» Comment est-ce qu'il peut donner une zakat surérogatoire aussi importante et ne pas donner la zakat obligatoire? Ça, c'est une des explications et elle ne concerne pas le sujet dont on parle maintenant. La deuxième explication, comment est-ce qu'on peut prendre la zakat de Khalid alors que les biens qu'il possédait, il ne les possède plus? Il les a donnés dans le sentier d'Allah. Et donc, il n'a plus de quoi donner la zakat. Quels sont ses biens? Chevaux, armures. Et donc, comment se fait-il qu'il y ait une zakat concernant des chevaux et des armures? Il n'y a pas de zakat concernant les chevaux et armures. La seule chose qui fait qu'un cheval devient imposable, c'est lorsqu'on l'utilise comme bien commercial. C'est la seule chose qui fait qu'un cheval devient imposable. Sinon, tu n'as pas d'impôt sur le cheval que tu possèdes. Tu n'as pas d'impôt sur la voiture que tu possèdes. Tu n'as pas d'impôt sur tout cela. Par contre, maintenant, si c'est un bien commercial, là, on rentre dans un autre sujet. On va essayer de redétailler un peu plus, bi'idnillahi ta'ala, lorsqu'on va voir la zakat liée aux biens commerciaux. Ça, on va le voir, incha'Allahu ta'ala. Il y a un point important, les frères, barakallahu fikoum, mais c'est le dernier qu'on va voir. Il y a aussi dans ce hadith le fait que les biens qui sont donnés dans le sentier d'Allah, les biens qui sont donnés fi sabilillah, ne sont pas imposables. Exemple, une personne donne 100 000 euros à la mosquée. Elle dit, allez hop, je donne sadaqa, 100 000 euros à la mosquée. Les 100 000 euros sont restés 10 ans sur le compte de la mosquée. Ils sont restés 10 ans. Est-ce qu'au bout des 10 ans, on se dit, ah mince, on a laissé passer 10 ans, on n'a pas payé la zakat, il faut payer la zakat sur 10 ans pour les 100 000 euros? On va dire non. Non, parce que c'est un bien qui a été donné fi sabilillah, on ne prend pas la zakat dessus. On ne prend pas la zakat dessus, et cela, on le prend encore de l'histoire de Khalid. par rapport à une des deux explications, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dise, il a donné donc ces biens-là, armure et chevaux, dans le sentier d'Allah. On ne peut donc pas prendre la zakat dessus. D'accord ? Donc voilà par rapport à ce hadith, les frères, barakallahu fikoum. Nous, on va continuer la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا. Mais sinon déjà avant la semaine prochaine, demain on n'oublie pas, demain dimanche il y a cours, inshallah taala, sur le tafsir.